Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Marie Cardinal, l'écriture au féminin. Je ne sais pas ce que je cherche dans mon écriture. Je cherche une écriture. C'est ça que je cherche. C'est pas rien une écriture. Et moi, j'arrive pas à trouver la mienne. Je la cherche tout le temps. Mon écriture ne me plaît pas. C'est très rare que ça me plaise. C'est très très rare que ça me plaise, ce que j'écris. Marie Cardinal, à l'émission « Qui êtes-vous » en 1995, éternelle insatisfaite face à son écriture, Marie Cardinal reste pourtant l'une des voix importantes de la littérature de langue française au 20e siècle. Son roman le plus connu, « Les mots pour le dire », sera traduit dans une vingtaine de langues et vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Quelle histoire, hein? Quoi? Cette Mary s'est échouée. Je marchais sur la grève. Je n'ai pas vu les mouettes. J'ai d'abord vu des mains ouvertes. Je ne peux pas résister à leur appel figé, à ce qui les rend semblables aux miennes humaines. Quelle histoire, hein? Quoi? Cette Mary, cette trouée. Ouais. Ne parle que de ça au village. Elle était infirmière. Elle est tombée enceinte. Ses parents l'ont chassée. Elle est partie en Amérique. Elle a été forcée d'abandonner ses études de médecine pour élever son fils. Elle était très fatiguée. Je la comprends, la maternité est une fatigue insurmontable. Arrête! Tu marchais sur la grève. Jureras-tu de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Extrait de l'essai cinématographique « Une vie pour deux » réalisé par Luc Bourdon et Alice Ronfard, une relecture de l'adaptation théâtrale que la comédienne Évelyne de la Chenelière avait conçue à partir des écrits de Marie Cardinal. Pour nous parler de cette voix unique de Marie Cardinal, je reçois la journaliste et autrice féministe Pascale Navarro. Pascale Navarro, bonjour. Bonjour. C'est vous, Pascale Navarro, qui nous avez suggéré de faire une émission sur Marie Cardinal. Pourquoi? Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez elle? Parce que dans l'actualité qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire dans cette espèce de post-moi aussi, mais dans lequel on est complètement dedans encore, je pense que c'est une des voix les plus importantes, même encore aujourd'hui. Son livre, Les mots pour le dire, ça a vraiment été un choc. Et je pense que c'est que par-dessus toutes les étiquettes, c'est une femme qui a voulu, qui n'aimait pas les étiquettes, on pourra en reparler, mais de toute façon, qui les aime, mais qui a écrit en tant que femme. Oui. Et comme quelques autres courageuses, elle a nommé des réalités féminines qui étaient taboues. Et je trouve que son discours est vraiment très actuel. Discours de... Je vous écoute, mais en fait, la vérité dans laquelle on trempe peut-être actuellement, déjà... C'est ça. Ouais. Exactement, oui. Le fait de prendre les choses de front, de dire les choses crûment, mais elle est, c'est plus subtil. Elle est capable d'être crue, mais très nuancée en même temps. Et c'est, je pense, ce qui fait la force de son écriture. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a une voix vraie. Ouais. Elle a été, je le disais, moi j'étais étonné, j'ai relu le chiffre je ne sais pas combien de fois, les mots pour le dire, quand même 3 millions d'exemplaires. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a été très, très présente, très importante, oui, comme voix littéraire à un certain moment donné, au 20e siècle. J'ai l'impression un peu oublié cette figure-là, Marie Cardinal. Pourquoi? Ben parce que vous le savez très bien, les médias aiment les modes, hein, puis tout le monde aime les modes et on dirait qu'on a tendance à oublier, mais ça revient toujours. Et je pense que aussi, c'était une femme et les voix de femmes, ça fait pas si longtemps qu'on les écoute vraiment. Alors, c'était une mode à l'époque. À partir du moment où elle a eu son succès et que d'autres sont arrivés, elles ont pris la suite. Mais il faut pas oublier qu'aussi que la fin des années 80, c'est aussi un ressac antiféministe assez profond, ouais, assez fort, qui fait qu'une voix comme celle-là, c'était un peu pénible à entendre parce que ça vous remettait face à la réalité. Et je pense que dans ce ressac, beaucoup de femmes ont été oubliées. Peut-être qu'on y reviendra. Ben moi, je pense que... Oui, je pense que oui. Je crois qu'en fait, elle ne partira jamais. Ouais. Elle ne pourra plus partir. De mon père, que j'ai très peu connu, je garde le souvenir d'un homme fringant. Il avait une petite moustache, de belles mains et un sourire éclatant. Il m'appelait Mon petit loup. Vous savez, l'écriture, elle vient beaucoup avec l'inconscient. Donc moi, j'étais absolument pas, mais pas du tout consciente que j'étais en train d'écrire un livre qui allait avoir un tel destin. Hein. Pour moi, c'est un livre comme un autre. C'était mon sixième livre. C'est un livre très sophistiqué, contrairement à ce que les gens croient, dont la structure a été beaucoup calculée par moi. Je l'ai recommencé une dizaine de fois, etc. Comme tous mes livres, je ne m'arrête pas de les refaire. Et puis, quand le succès des mots pour le dire est arrivé, j'étais ahuri. Je dis toujours que nos livres sont plus grands que nous. Hein. On n'est pas à la hauteur de notre écriture, les écrivains. On ne sait pas vraiment ce qui passe à travers. Nous sommes les derniers à pouvoir nous juger. J'ai pensé à nos corps, le mien, celui de ma mère, celui des autres, toutes pareilles, toutes trouées. Sur la musique du film « Les mots pour le dire », adapté du roman de Marie Cardinal, vous avez entendu deux courts segments d'une adaptation théâtrale récente du roman de Marie Cardinal, monté à Perpignan, en France. Vous entendiez également au micro de Gérard-Marie Boivin, en 1989, Marie Cardinal, dans cet extrait. « Les mots pour le dire », on y revient, Pascal Navarro, c'est un incontournable, publié en 1975, immense, énorme succès. Donc, pourquoi ce succès? Puis au-delà de ça, pourquoi c'est un livre si important? Mais d'abord, il y a un contexte. Il faut pas oublier que 1975, c'est la loi Veil, et donc sur l'IVG, et que l'année 1975, c'est aussi l'année internationale des femmes. Et vous avez aussi une autre femme qui publie un livre très important qui s'appelle Ainsi soit-elle, c'est Benoît de Groux. Donc c'est une année où les livres écrits par ces femmes ont l'écoute du public féminin. Oui. Mais pas que, parce que aussi des hommes l'ont lu. Alors il y a ça, donc le contexte. Ensuite, comme tous ses romans, ou presque, moi, je trouve que Marie Cardinal, elle a le génie des titres. Parce que, déjà, Écoutez la mer, son premier roman, vous entendez là-dedans la mère, la mère, la maman, et dans Les mots pour le dire, vous entendez les mots M-A-U-X. Et c'est pas innocent, pourquoi je prends ces exemples-là, c'est parce que c'est quand même un livre qui traite d'une psychanalyse. Ouais. En fait, qui raconte une psychanalyse. Et c'est bien de mots dont il s'agit, M-A-U-X aussi. Elle raconte en fait la chute dans une dépression, une énorme dépression, le monstre comme elle le décrit dans son livre. Et d'ailleurs, elle dédie ce roman à son psychanalyste qui, dit-elle, l'a mise au monde. Et c'est l'histoire de sa psychanalyse, de sa naissance comme créatrice et de sa renaissance comme femme. Mais en fait, elles font qu'une, la créatrice et la femme. Et honnêtement, moi, je relis souvent des livres j'essaie de relire des livres qui ont jalonné l'histoire des femmes. Et je pense que celui-ci est l'un des plus actuels que j'ai lus. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il a été important et toujours actuel? Parce qu'elle aborde des thèmes qui sont toujours présents dans la littérature des femmes, mais aussi pas juste dans la littérature des femmes, mais dans notre actualité, comme je vous disais. Elle aborde toute la question du rapport au corps. Comment dire ce qui arrive au corps des femmes, comment elles le vivent. C'est pas la même chose que les hommes, que vous vouliez ou non. Il y a une différence et elle assumait cette différence. Pourquoi c'est si important? Parce qu'à l'époque, les femmes devaient se mouler dans l'universel. Mais l'universel a toujours été raconté par des hommes. Et c'est pas une question de personnalité, puis on n'est pas là pour faire un procès. Là. Je dis juste que dans la connaissance et dans ce grand humanisme, il était moulé sur un modèle unique. Donc les femmes se moulaient à ça. Mais elle est rentrée vraiment là-dedans, dans cette réalité de femme, et elle a fait éclater ce moule avec les vrais mots. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes assument le fait qu'elles sont des femmes. On n'essaye plus de ressembler à des hommes ou de s'exprimer comme des hommes. Moi, je me rappelle d'une époque où il ne fallait pas dire qu'on écrivait des romans de femmes, parce que vous étiez complètement marginalisés, comme si ce n'était pas humain. Mais d'être une femme, c'est notre condition humaine. Vous voyez, alors elle a vraiment osé ça. Et alors avec tout ce qui vient avec, donc le côté sombre qu'on n'aime pas du féminin, qui n'est pas mignon, léger, cute et coquet, mais plutôt la réalité du corps. Alors la honte, la naissance, la maternité, les difficultés, les désordres. Voilà, c'est tout ça qu'elle a abordé. Et le style, les mots pour le dire, mais oui. Cette habileté, cette façon qu'elle a d'écrire, parlez-moi de ça. Comment le définir, le style Marie Cardinal? Alors, c'est là, moi, je pense que sa force. Parce que, en plus de tout ce que j'ai raconté, son style est extrêmement direct et traduit une réalité, je vous disais, très crue. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire la réalité et dans tout, dans tout ce qui peut être même noir ou en fait, elle n'a vraiment pas peur d'aller loin là-dedans, dans la noirceur. Mais elle le fait de façon très libre, alors avec beaucoup de répétitions, des jeux de mots, une ponctuation très rythmée, même une certaine fantaisie. Mm-hmm. Et une langue qui, oui, est très crue, mais en même temps, et c'est là, moi, je trouve qu'elle a du génie, très nuancé. Elle est capable de, dans la même phrase, d'être à la fois dure, mais de vous faire voir une petite lumière qui vous montre un autre chemin. Et ça, c'est un style vraiment propre à elle. C'est ouais. Vraiment quelque chose qui l'identifie pour moi. L'écriture, Pascale Navarro, c'est, j'allais dire, c'est toute sa vie. C'est une très, très grande partie de sa vie. Comment elle en vient à l'écriture, Marie Cardinal? Mais en fait, je pense que suite à sa psychanalyse, à son analyse, en fait, qu'elle raconte, c'est quelqu'un qui s'est trouvé à travers l'exploration de son monstre, justement. Elle a apprivoisé, puis elle a découvert. D'abord, elle est devenue journaliste, et puis on s'est rendu compte qu'elle avait une plume très particulière, que c'était une femme de talent. Et puis, elle a commencé à écrire. Mais il faut vraiment voir à quel point, dans son livre d'ailleurs, dans Les mots pour le dire, je reviens encore à ce livre-là, quand elle se rend compte... Quand elle réalise qu'elle devient écrivaine, qu'elle est en train... En fait, elle se rend compte qu'elle a écrit et puis elle se dit « mais c'est un roman que je suis en train d'écrire ». Et puis ce passage où elle raconte à son conjoint qui est revenu la rejoindre, qui est en train de lire les pages qu'elle a écrites et qui se rend compte que c'est vraiment... Mais t'es en train d'écrire un livre. Et là, elle se rend compte qu'elle est auteure, qu'elle est en train de mettre au monde quelque chose de sa création. C'est super bouleversant. Les mots pour le dire, c'est son premier grand succès. Il y aura un deuxième livre très important, un deuxième grand succès pour Marie Cardinal, c'est Les grands désordres. Et dans ce livre-là, la narratrice exerce le métier de nègre. Mm-hmm. Que va exercer Marie Cardinal pendant des années? Oui, tout à fait, c'est ça. Elle s'est vraiment fait connaître. Et c'est intéressant parce que je vous parlais tout à l'heure du côté universel de l'écriture, écrire comme un homme, écrire comme une femme. Mais c'est vrai que quand on est écrivain fantôme, on n'a pas du tout à... Évidemment, on écrit pour l'autre, donc on prend sa voix. Et c'est aussi, ça nous montre aussi la Marie Cardinal théâtrale, parce que c'est aussi une femme qui a touché au théâtre et qui avait ce don de traduire la pensée des autres. Aussi, comme journaliste, c'est ce qu'on fait. Ouais. Donc, elle l'a aussi fait comme journaliste. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, autant elle a une écriture quand elle écrit, elle est elle-même. C'est la femme qui c'est s'exprime. Ça. Autant elle va défendre, elle va dire « j'ai été écrivain fantôme pour des hommes ». Tout à fait, exactement. Sans que personne ne le sache. Exactement, pour bien montrer que c'est possible aussi de le faire. Mais elle revendiquait le féminin dans ses livres parce que ça a été aussi un combat. Oui. Ben, on y vient à ce combat, justement, qui est un combat qu'elle embrasse, qu'elle choisit, mais pleinement et complètement. On l'écoute à nouveau, Marie Cardinal en parlait au micro de Gérard-Marie Boivin en 1989. Vous êtes plus une universaliste. Je ne pense pas que vous aimiez être la femme d'une cause. Je ne pense pas que vous aimiez avoir une étiquette, par exemple. En même temps, la cause des femmes, bien sûr, c'est la cause. C'est probablement en Europe, à part peut-être maintenant la désoviétisation si elle va au bout, mais c'est la cause la plus politique, la plus importante qui soit, la cause des femmes, en Occident. Et c'est une cause que je défendrai jusqu'à la gauche. Maintenant, si après ma mort, je peux avoir l'honneur d'être considérée comme une féministe, j'en serais très fière. Parce que les vrais féministes, c'est des gens, c'est des femmes formidables. Les vrais féministes, c'est les vieilles américaines qui n'ont jamais séparé leur cause de la cause des Noirs. C'est les vrais féministes, c'est les vieilles occidentales, les vieilles européennes qui n'ont jamais séparé leur cause de la cause des ouvriers et des travailleurs. La coalition de l'arc-en-ciel, on dit aux États-Unis. Tous les opprimés. C'est ou une tous cause magnifique, la cause des femmes. Et je me battrai jusqu'à la gauche pour elle. Le combat des femmes, c'est le grand combat que va choisir de mener Marie Cardinal. Quelle forme va prendre son engagement féministe, Pascale Navarro? Ben, en fait, oui, c'est vrai que ça a été son grand combat parce qu'elle l'a constaté, puis elle l'a surtout associé, comme elle le dit dans cet extrait, à la décolonisation. Et c'est certain que pour elle, tout ça faisait partie de la même réalité. C'est-à-dire que le thème du colonialisme, elle l'a transposé dans l'oppression des femmes en général, mais aussi, elle dira en 68, j'ai tout découvert, les femmes, l'écologie, le marxisme, le maoïsme. Et en fait, elle se battait contre les systèmes répressifs. Oui. La bourgeoisie, l'Église, le colonialisme encore, en fait qui est un modèle, le colonialisme, un modèle de possession, le capitalisme qui véhicule donc des valeurs patriarcales et paternalistes. Mais elle a quand même été critique avec le féminisme aussi, parce qu'elle disait, et ça je l'ai pris dans La Vie en rose, qui est une revue féministe des années 80 où on a interviewé beaucoup de grandes féministes. Elle disait en fait que le féminisme était aussi une invention académique. Elle disait que c'était, parce qu'elle n'aimait pas les étiquettes, et elle disait que c'était entré dans les combinaisons intellectuelles des hommes qui vous enferment dans des tiroirs, que les femmes devaient non pas se soumettre à ces étiquettes, mais plutôt créer le désordre. Et moi, je pense que c'est aussi ça qui la rend actuelle, parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on voit, un renversement. Non se conformer justement à des cases comme celle de l'université, par exemple, regardez aujourd'hui les études féministes, et c'est quand même assez paradoxal que tout ce désordre soit académique. Ouais. Il y a quelque chose de... organisé. Mais c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Donc, elle disait que les femmes doivent au contraire détruire les schèmes, détruire les cadres et les structures inventées par la tradition et la vision patriarcale du monde. Et quelque part, comme je vous dis, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. On termine cette émission en parlant de l'Algérienne, parce qu'on ne peut pas parler de Marie Cardinal sans parler de ses racines. C'est là où elle est née, c'est là où elle a grandi, l'Algérie. On l'écoute à ce sujet au micro de René Rachel à l'émission La vie quotidienne en 1980, au moment où elle publie son livre Mes racines, livre pour lequel elle est retournée en Algérie. J'avais très, très peur de retourner là-bas parce que j'avais mauvaise conscience. D'abord parce que je pense que la guerre d'Algérie faite par les Français était une guerre infâme, une guerre honteuse. Et que bon, malgré que je sois née en Algérie, que je me sens très peu française, je suis quand même française par les papiers. C'est-à-dire que j'entrais là-bas avec un passeport français. Et j'avais peur de ça. J'avais peur de moi aussi. C'est-à-dire que je craignais que cette espèce d'amour que j'ai pour ma terre soit pas tout à fait aussi authentique que je le croyais, soit aussi attachée aux possessions que j'avais là-bas, à la vie matérielle que j'avais là-bas. Et je pensais que de me retrouver dans la rue devant ma maison, mes maisons, et de savoir que c'était plus à moi, peut-être me ferait un choc et ferait que j'aimerais moins ma ville ou mon pays. Et ça a été des retrouvailles absolument extraordinaires. Oui, délicieuses, euphoriques. J'étais folle de joie, folle de bonheur. J'ai trouvé tout encore plus beau que dans mes souvenirs. Je me suis sentie parfaitement bien, parfaitement en accord avec tout, parfaitement en harmonie. C'est vraiment ma terre, quoi. Alors, quel rapport elle va entretenir, Marie Cardinal, avec l'Algérie? Quelle place va occuper l'Algérie dans sa vie? Ben, en fait, ça traverse presque toute son œuvre. Elle en parle souvent de ses souvenirs, mais c'est le côté organique de Marie Cardinal, c'est le côté sensoriel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. La mer, la rue méditerranéenne. Qui est la même partout autour de la Méditerranée. Et c'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'elle avait un rapport de culpabilité. Elle dit à un moment donné, dans un court-métrage où elle retourne en Algérie, justement, elle a l'impression, elle est sur la mer, sur un bateau, elle voit le port d'Alger, puis elle dit « j'ai l'impression d'arriver au tribunal ». Parce que, il ne faut pas oublier aussi qu'elle vient d'une famille riche, oui, très bourgeoise, très stricte, et qu'ils étaient propriétaires viticoles, ils avaient des vignes, enfin des domaines. Donc, ces rapports d'exploitation, on les a beaucoup vus. Puis après, bon, évidemment, le fait qu'ils soient partis, qu'il y ait eu la guerre d'Algérie, qu'il y ait eu toute cette violence, ouais, de laquelle elle elle avait l'impression de porter un peu le poids de la culpabilité. Donc, et finalement, non, c'est parce que l'Algérie, c'est les domestiques de sa famille, c'est sa nourrice, c'est, comme je vous disais, la rue dans laquelle elle marchait, puis elle disait que c'est là qu'elle sentait la liberté, donc, la vraie liberté. Coloniale dont vous parliez, sa famille y a participé, au fond. C'est un peu Mais ça qu'elle... Complètement, voilà. Complètement. C'est ça revient, qu'elle a l'impression de porter sur ses épaules. Ouais. Et puis, elle, toute sa vie, elle va en parler. Et puis, bon, elle a beaucoup de mots sur cette culpabilité et sur celle des Français, quoi. La puissance et la domination française coloniale. Ouais. C'est déjà le moment, Pascal Navarro, de parler de l'héritage de Marie Cardinal. Il y a un livre, l'inédit, qui nous permet, au fond, d'incarner peut-être, de parler de manière plus tangible de cet héritage-là. L'inédit, c'est des notes qui ont servi à la production d'un spectacle, Une vie pour deux, d'Évelyne Lachenelière, dont on parlait au tout début de l'émission. Des notes qu'elle avait écrites, un journal, toutes sortes de choses. Parlez-nous de ça, de ce que ça nous dit sur elle et de l'héritage qu'elle nous laisse avec ça, mais plus largement aussi. Mais en fait, ce livre qui est un peu qui va un peu dans tous les sens, évidemment, c'est normal. Il n'y avait pas d'intention d'écriture. C'était une publication posthume. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y voit les pistes de son œuvre. On y voit là-dedans des notes personnelles, oui, mais aussi des réflexions qui se retrouvent dans toute son œuvre. Mais sur la réflexion sur la littérature féminine, pour moi, elle est encore là et avec le recul. Elle dit des choses là-dessus que je vous ai dit tout à l'heure au début, là, qu'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire cette question d'universalité, puis de c'est quoi la littérature des femmes, des hommes, tout ça. Elle a toute cette réflexion théorique qui traverse tout ça. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis, surtout, moi, ça m'a donné envie plus d'aller voir. D'ailleurs, j'ai recommencé à relire. Évidemment, on ne peut pas faire autrement, c'est romain. Écouter la mer, les grands désordres, les mots pour le dire. Tous ces livres se retrouvent dans cet inédit. Moi, c'est un livre qu'on lit de façon ponctuelle. Il n'y a pas de ligne directrice, mais pour quelqu'un qui ne la connaît pas, ça peut être aussi une introduction intéressante. Donc, voilà. Merci de cette introduction plus qu'intéressante que vous avez fait autour de Marie Cardinal, Pascal Navarro, journaliste, féministe, autrice. Merci. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.